Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode sur... Oh putain, je parle super vite. Marvelicious, un épisode spécial sur Avengers Campus. On reste dans le thème, toujours. Et je suis... Enfin, du moins, j'ai l'honneur d'avoir un invité de marque d'exception que j'ai déjà eu pour un autre podcast sur DLP Podcast sur Star Wars. C'est Nagla. Bonjour Nagla. Et bonjour, bonjour, ravi, merci de m'inviter. C'est moi qui suis très honoré. Oh non, c'est moi. Attends. Hey. Les Non, premiers c'est podcasts, moi. c'est le tien. Le premier, c'est le tien. Et après, c'est DLP. C'est vrai. Dans l'ordre d'apparition, Et c'est la comme ça. prochaine fois, j'invite plus rien avec toi. Ok, bah avec grand plaisir, je pense qu'il serait ravi. Ouais, je vais lui écrire sur Twitter. Mais il est plus sur Insta, je crois. Hein. Je sais Non, il est sur plus. Twitter aussi, il est sur les deux. Il est sur le studio aussi. Bon. Ouais. Et Laurent. Bonjour Laurent, ça va? Bonsoir, Ça ça va va? Bah, très tous. bien, impeccable. Merci pour J'ai vu qu'en ce l'invitation. moment, la chaîne YouTube, en ce moment, ça produit, là. Attention, hein. Productivité. Il y a l'activité chez DLP. C'est DLP. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que Surtout, t'en dire. reviens, toi, je crois. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est un podcast. Alors, je vais faire Miss Marvel et Avengers Campus. Mais en fait, il y a tellement de choses à dire sur Avengers Campus. Donc, on va faire que sur dessus, les gars. Que sur l'Avengers Campus. L'aventure avec un grand A. Avengers Campus, à partir de cet été à Disneyland Paris. Et puisqu'en fait, aujourd'hui, avec Nagla, on est d'accord, puisque Laurent nous avait dit qu'il ne connaissait pas forcément les saisons Marvel. En fait, on ne connaissait Marvel à Disneyland Paris que par le biais de saisons, en fait. Et du merchandising. Voilà. Et quelques rencontres personnages, des petits trucs, mais vraiment pas grand-chose. Et je crois qu'il y en a en ce moment en plus, où tu as des rencontres personnages. Bah, l'ancien. Oh, j'arrive même plus à trouver le nom. Ciné Magique. Non, si. Oui, C'est si, c'est ça. ça. Au C'est Cinémagique ça, Ciné Theater, Magique. même. Maintenant, il s'appelle. Voilà. Qui ne Au sert Studio aujourd'hui Theater, pardon. que. Qui en vous, je me beau, si on l'appelle encore comme ça, parce qu'il sert qu'à faire des rencontres, au final. Bah, c'est bien tout le drame, j'ai envie de te dire, mais oui. Mais non, c'est des rencontres le matin et l'après-midi, je crois que c'est, tu sais, le film sur le mois de la Terre. Est-ce Non? que c'est encore ça ou est-ce que c'est fini? Mais oui, ils ont fait ça pendant un temps, ouais, c'est vrai. Ou ils le font Ouais. encore, je ne sais plus. Je ne sais plus non plus. Mais ouais. Je Bon, ne sais écoute, plus. c'est désormais une salle de cinéma. Ils ont vraiment passé, je sais plus combien de mois à transformer cette salle. On va en parler pour faire un spectacle hyper ambitieux avec plein d'effets dans tous les sens. Et aujourd'hui, c'est un truc où tu fais des photos ou tu vas voir un film. Ok. C'est Pas sûr ça. de. Ou Pas des sûr. fois, alors, tu veux aussi voir le spectacle en différé du Roi Lion aussi. Enfin, Voilà, ça. il n'y a pas maintenant, mais avant c'était le cas. Quelle horreur, Oui. ça aussi, avec une captation en plus de ça, dégueulasse. Mais, et non seulement dégueulasse, et en plus, quand il y a, enfin, nous, on l'avait fait une fois, tout le monde se barrait au bout de, au bout de 10 minutes. C'est très rigolo en vrai, le seul intérêt de ce truc, c'est de compter le nombre de gens qui se barrent en se disant, ah, mais je suis là en train de regarder un spectacle sur grand écran, c'est de la merde. Et tu comptes, et vraiment, j'avais compté une bonne cinquantaine de personnes qui étaient sorties pendant une séance, quoi. C'était assez C'est dingue. ça. Et tu voyais aussi la. En fait, en plus, vu comment c'était filmé, j'ai le souvenir, tu voyais la perruque avec des chanteurs avec les câbles derrière la tête et tout. Oh là là là. Au moins, si vous filmez, évitez de filmer ça. Parce que... Bah oui, c'est Et pas très non, joli ils ne le quoi. faisaient pas. Voilà. C'était pas très joli. Voilà, comme tu dis. Donc, du coup, comme je disais, Marvel, on le connaissait qu'à travers des saisons. Alors, je crois qu'il y en avait une qui était appelée à chaque fois. Je crois que c'était la saison des super-héros, si je ne me trompe pas. Je C'est sais ça. plus pour être très honnête, parce que Ça l'a fait j'ai. pendant 2 ans. Bah Ouais. oui, parce qu'en fait, tu avais celle-là et tu avais la saison Star Wars aussi, la saison de la Force, etc. Et en fait, tu avais ce système-là où ils alternaient Marvel et Star Wars, je crois. En fait, tu Et je avais à sais peu qu'avec près le. 3 mois de Star Wars, 3 mois de Marvel, et ça faisait ça occupait 6 mois Ouais. dans l'année. L'été, en C'est général, ça. c'était l'été des super-héros qui mettaient dans les studios. Et Star Wars, ils l'ont décalé petit à petit. Des fois, c'était genre avril-mai, des fois, c'était dès janvier. Des super souvenirs d'être sous la neige en train de regarder un spectacle Star Wars de nuit. Et en fait, tu levais les yeux et ça faisait comme des étoiles. T'avais tous les flocons qui tombaient. C'est C'était beau. vrai? Ouais, des C'était de la super. vraie neige? De la vraie neige, ouais, genre vraiment le jour. Et alors j'ai chopé une pneumonie de l'enfer parce que j'avais les pieds qui étaient froids, comme t'imagines pas ce que c'est, quoi. Mais ouais. C'était très joli d'être comme ça dans. Il y avait des étoiles partout, quoi. Pour le coup, ils avaient réussi un show à 360 degrés. Ils n'avaient pas essayé, sans faire exprès. Okay. C'était très stylé. Bon, bah ouais. Ouais, ouais. En plus, de Disney sous la neige, ça doit être beau, en plus. Ouais, c'est. Ouais, c'est... Non, c'est pas beau. Si. Ah, si, oui, c'est très très sympa. Si. Ouais. D'ailleurs, est-ce que les attractions sont ouvertes quand il neige? Bon, ça dépend lesquels, mais en général, ça dépend lesquels. Quoi. C'est... En intérieur, ça va. Surtout qu'on parle, on parle de neige alors qu'il fait 30 degrés dehors, c'est super. C'est vrai. Aussi. Alors, question Nagla. Tu as donc du coup des souvenirs de cette saison et des spectacles. Alors, il y avait plusieurs spectacles. Il y avait, on parlera tout à l'heure de Marviance. C'est un mélange de Marvel et d'Alliance. De Marviance. De Marvel, Alliance des super-héros. Mais il y avait aussi d'autres spectacles. Il y avait la Stark Expo. Ouais. Et il y en avait un autre, un tout petit, qui passait 6 fois dans la journée. Ah, le show de danse de comment il s'appelait, des Gardiens de la Galaxie. Là, je ne sais plus comment il était le nom, Star-Lord, danseur de l'extrême, je ne sais pas quoi. Là. Je sais plus, ouais, c'était ça. Ou Danse avec les Gardiens de la Galaxie, je crois que c'était ça. Ouais, ça devait être ça, ouais. J'ai une très très mauvaise mémoire des noms, je suis désolé par avance. Ça devait être ça. Puristes. Et alors, je me rappelle parce que ma fille qui avait à l'époque 3 ans, il fallait que je reste là et on attendait. T'avais Stark Expo, la danse. Stark Expo, la danse. Tu sais. Avec une interruption de 20 minutes entre deux. Il faut ce qu'il faut. Et la première année, t'avais comment Star-Lord et puis Gamora. Et la deuxième, arrivée Groot. Il n'était pas là la première fois, je crois, à mon souvenir. C'est fort possible ce que tu dis. C'est fort possible. Je crois qu'il n'était pas là. Il est arrivé la deuxième. Depuis la Covid en 2020, j'arrive même plus à me repérer de manière temporelle. C'est fou. Hein. Toi aussi. On est vite paumé. Ouais, on est vite complètement paumé. Non, mais je crois que t'as pas tort parce qu'effectivement, ce grand costume de Groot, il se mettait sur le côté. C'est Groot adulte, hein, pas le bébé. Et il était vraiment assez énorme, alors que jusque-là, t'avais juste Star-Lord et Gamora qui essayaient de chauffer le public. Ce qui marchait plutôt pas mal. Il chauffait, c'est ça. Oui. C'est ça. En plus, c'était de la musique qu'on avait dans le film années 50, 60, pardon. Années 60, là. Il s'était lâché pour faire une bonne sélection. En règle générale, Don't Stop Me Now, tu te trompes pas, quoi. Donc, le final là-dessus, c'est très ça. Bien. Oui, c'est vrai. Et il y avait la Stark Expo où, justement, tu avais Stark qui présentait son dernier. Oh là là, j'arrive même plus à trouver le nom. C'était son invention, quoi. Sa dernière. Ouais, son invention. Putain, il l'a au niveau du cœur, enfin du poids de la poitrine. Ah oui, oui, je crois que c'était l'arc. Ouais. Et en fait, t'avais Spider-Man qui était chargé de la protéger et puis. Bah, il a raté. Arrivé. Parce que c'est Spider-Man. Bah, il a raté, bah oui, c'est Spider-Man. Et ce qui était bien, c'est que tu faisais pas Laurent, parce que. Tu as tout expliqué tout à l'heure en off que ça te disait rien, mais ce qui était bien, c'est que le Spider-Man, il était très acrobatique et tout, comme dans le film, quoi. Ouais. C'était assez impressionnant. C'était assez impressionnant. Effectivement, c'était plutôt cool. Il y avait un espèce d'effet où, en fait, il apparaissait depuis le toit du bâtiment d'en face et il sautait de quelque part et réapparaissait sur scène. Du Disney Dream Factory. Exactement. C'était là-haut. Et ça donnait donc cet effet de comme s'il avait sauté, il avait passé tout un chemin, etc. C'était très très cool. Ah oui, t'avais le son aussi, qui jouait avec le son aussi, c'est vrai. Je me souviens. Et oui, 360. Il jouait avec le son. Et il y avait un spectacle sympa, alors même s'il était un peu foireux à certains moments, mais il était vraiment sympa dans l'Alliance des super-héros. Est-ce que toi, tu l'as bien aimé, Nagla, je fais partie des gens même qui l'ont pas mal défendu. Alors après, je vais pas non plus dire que c'était le spectacle du siècle parce qu'il avait énormément de problèmes et je suis tout à fait conscient des problèmes qu'il avait. On va en reparler. Mais si je suis très honnête, quand même, je trouvais que l'ambition qu'il y avait derrière et les effets qu'ils ont voulu faire, quand même, ils s'étaient pas foutus de nous, quoi. Et derrière, c'est sur l'exécution où ils avaient eu d'énormes soucis. Et la première année surtout, c'était une cata. La deuxième année, ça allait beaucoup mieux déjà. Après, il y avait d'autres petits problèmes qui traînaient, mais franchement, je l'aimais bien. Alors, juste pour dire aux gens, à ceux qui ne connaissent pas, du moins, il y avait une storyline assez sympathique où on avait, au tout début, ça commençait entre Iron Man et Captain America où ils perdaient la mémoire, si on peut raccourcir le truc. Pas forcément, non, ils s'engueulaient. Ils s'engueulaient pour un oui ou pour un non. Et après, on avait une sorte de présentation avec la story, l'origine story des personnages différents. Donc, il y avait Spider-Man, Captain America, Hulk, les principaux. Hein. Et puis après, il y avait toute une histoire avec Thanos qui utilisait la pierre de l'esprit, je crois. C'est ça. Justement, où il découvre. Ça doit être ça, mais il utilise la pierre de l'esprit, je crois, pour manipuler. Oui, ce qui fait qu'ils deviennent tous un peu cinglés et donc. C'est ça. Tous les super-héros commencent à se rebeller. Et au début, il n'y a que Spider-Man, je crois, à un moment donné, qui arrive à garder les pieds sur terre. Donc, ils se battent entre eux. Hein, ça permet de justifier que tu aies plein de personnages qui se battent entre eux, alors que tu n'as quasi pas de méchants iconiques. Quoi. Mm-hmm. Mais ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a sur YouTube, je crois qu'il y a Disneyland Paris, ils ont mis le spectacle, je crois. C'était possible. Sympa parce que à la grande place, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, tu avais les grosses statuettes de Hulk, de la Black Panther, d'Iron Man et tout. Sur la place des stars, ouais. C'est ça. Qu'ils ont maintenant utilisé pour l'hôtel, enfin, Art of New York, quoi. Donc, Art of Marvel, pardon. J'y arrive. Ouais, ils ont modifié les trucs, effectivement, mais. Bah ouais, bref, tu avais ces grosses statues qui permettaient de. Qui étaient plutôt pas mal. Oui, c'était pas mal. Et d'ailleurs, juste une aparté, c'est que. Il y avait la première année, je crois que c'est la première année, ouais, où ils avaient fait une saison Star Wars, tu avais tous les véhicules et tout, c'était plutôt pas mal. Alors, c'était pas la première année, mais effectivement, il y a une année où. Il y a une année, ouais. Où même tu rentrais dans Studio 1, j'avais pu assister à la mise en place d'un char, si je dis pas de conneries. Ils venaient de le livrer, etc. Ouais, et on avait eu une invitation pour découvrir en avant-première des trucs de la soirée Star Wars. Et on avait assisté à la mise en place du char qui était devant Rock'n'Roller Coaster à l'époque. Ouais. Et qui était, alors c'est con parce que c'était vraiment le véhicule le plus nul du lot pour le coup, mais bon, on était content d'être là quand même, hein, on n'allait pas faire la fine bouche. Et tu avais aussi des vaisseaux dans le studio 1, tu avais des vaisseaux. Il y avait des vaisseaux, tu rentrais, tu avais un X-Wing au-dessus de toi, tu avais un TIE Fighter en face ou l'inverse, je ne sais plus, et tu avais quelques vaisseaux, tu avais le Jedi Fighter, si je dis pas de conneries, qui était sur la place des stars notamment. Oui. Bon, on ferme la parenthèse du coup, mais ça fait du bien de parler Star Wars de temps en temps. Ouais. Ça manque. Et justement, qu'est-ce que tu as. Enfin, tu disais tout à l'heure justement ce que tu avais noté comme. On va parler des trucs bien du spectacle, mais on va commencer par toujours ce qui fâche, c'est toujours bien. Ou pas. Qu'est-ce que tu as. Enfin, tu disais tout à l'heure, effectivement, il y avait quelques problèmes techniques. Alors moi, je me souviens d'un qui m'avait surtout choqué, c'était ce qu'ils utilisaient des drones au-dessus du public. Ouais. En fait, moi, ils marchaient une fois. Enfin, je les ai vus qu'une fois marcher, après, je les ai plus vus marcher du tout. Toi, tu avais eu d'autres problèmes? Alors, j'ai eu l'occasion de voir effectivement le drone principal marcher, mais alors justement, c'est tout l'enjeu, c'est que t'as plein de trucs différents qui ont été faits sur ce spectacle parce qu'ils ont essayé de l'adapter. Vraiment, les premiers jours, il y a eu une tonne de représentations qui étaient juste annulées, plein d'autres qui étaient arrêtés en plein milieu parce qu'ils n'arrivaient pas à faire marcher les trucs. Et bah bref, c'était un peu une cata. Et donc, de ce qu'on a très vite compris, c'est qu'un très gros drone qui était placé au-dessus du public, ils avaient des problèmes avec. Je ne sais pas exactement quoi, je ne me suis pas renseigné plus que ça. Mais ils avaient des problèmes avec. Ce qui fait que, bah, au bout d'un moment, ils ont fini par le remplacer, tout simplement. Et donc, cette menace qui était sous la forme d'un gros drone à la base, c'est devenu une espèce de cube qui se trimbalait. Donc, t'es pas très menaçant, pour être très honnête. Hein, c'est un cube, quoi. C'est un apéricube. Moi, ça m'a jamais fait peur. Mais bon, c'était. Au moins, ça fonctionnait, quoi. Et petit à petit, ils ont réussi à peu près stabiliser leur système de cette façon, quoi. Mais vraiment, on était dans une période où ils galéraient à faire marcher leur truc. C'était pas dingue. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un spectacle qui était ambitieux, mais qu'ils avaient du mal à suivre derrière, justement? Tout à fait. C'est vraiment ce que je dirais, c'est que en termes d'idées, en termes d'ambition, c'était là. Ce qui faisait, moi je trouve encore une fois que c'était quand même plutôt très cool. Maintenant, faut le tenir parce qu'il y avait énormément de techno. On a parlé du drone qui était au-dessus. Il y avait aussi un genre dessin de drone qui t'attaquait. Il y avait de la pyro, des explosions, des trucs qui se pétaient, des effets des effets de comment dire, du mapping qui venait se mettre sur les trucs. Enfin, il y avait énormément d'effets dans tous les sens. Hein. Le mapping, il était sur les écrans devant toi, sur les côtés, etc. Tu avais plein de choses à voir. Donc, c'était vraiment très, très intéressant à faire. Et en plus, je trouvais que la scène, des fois, était trop envahie aussi. Je sais pas, t'avais des chorégraphies de combat, mais justement, quand les méchants arrivaient, je trouvais des fois que t'avais vraiment trop de monde sur la scène, ça faisait des fois un peu brouillon. T'avais un petit peu de mal à suivre, et alors ça, justement, ils l'ont corrigé la deuxième année, notamment sur les combats finaux, où ils ont eu la très bonne idée de faire, pendant le combat final, des genres de focus sur certains groupes qui se battent. Et tu t'es retrouvé, genre, à un moment donné, tout le monde t'avais pause presque sur toutes les bastons, t'avais toutes les lumières qui se mettaient sur Black Panther qui essayait de maraver un peu tout le monde. Et ça allait comme ça de héros en héros, je trouvais que c'était une bonne idée. Il s'était vachement amélioré aussi la deuxième année sur, déjà sur toute la partie technique, mais aussi sur les chorégraphies et le jeu des lumières. À l'époque, il y avait un type qui bossait aux lumières, qui avait refait pas mal aussi le taf sur Mickey le magicien notamment, et il avait bossé sur ce spectacle, sur ce spectacle là, et tu voyais vraiment la différence, quoi. Tu voyais que bah ouais, ça avait de la gueule, quoi. Ouais. Et surtout que la musique était pas mal et ça allait bien aussi avec les jeux de lumière. Enfin, c'était plutôt pas mal. Et c'était un spectacle qui était plutôt apprécié par les enfants, parce que nous, les adultes, on se rend compte des trucs comme ça, mais les enfants qui étaient à fond dedans, ils se rendaient pas compte forcément des problèmes techniques, etc. Et, bien sûr. Et ça passait. Hein. En même temps, c'était le public, je pense, visé. La plupart, voilà. Alors, il y a un truc que tu as dû participer, toi, auquel justement. Certains n'ont pas percevé, dont moi par exemple. Il paraît qu'il y a eu une soirée spéciale Marvel. Oh, la soirée Marvel. Et il paraît que c'était une catastrophe. C'était effectivement... Raconte-nous ton expérience. Je te confirme que c'était une catastrophe. Alors, c'est une soirée que moi j'ai trouvé personnellement très sympa pour des raisons très diverses, notamment parce que c'était l'une des premières soirées où on s'amusait à rencontrer des gens qu'on avait découvert grâce au podcast. Je pense à Tony notamment, avant Main Street Actu. Main Street Actu n'existait pas encore à ce moment-là. Et il y a comme ça, on était un petit groupe à se trimballer dans cette soirée. Et comme on était dans le tout début des soirées Disney, nous on y était allés en se disant vas-y, let's go, ça va être super bien. Et je vais même le révéler, il y avait un cast member assez haut placé chez DLP qui nous avait dit allez à la soirée Marvel parce que franchement il y a du lourd. Et il nous a dit derrière, en vrai, il y a plein de trucs qui ont été annulés. Bon, écoute, ça arrive, hein, mais Du coup, ouais, mais bon, on s'en est mais bon, nous, on y va de bonne grâce. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est véritablement que tout était un peu décevant, nul, tu vois. C'est-à-dire que t'avais, pour te donner une idée, ils avaient prévu une DJ party avec des musiques des années 80 pour faire genre Gardien de la Galaxie. T'as eu des musiques des 80 pendant un quart d'heure, et pendant deux heures, t'as eu du très moderne, tu vois, très électro. Et David Guetta. Ouais, complètement. Même chose, ils te disent, venez faire la Tour de la Terreur version Gardien de la Galaxie. Bon, ils disent tout de suite, c'est pas le truc de... C'est pas les États-Unis, c'est pas Mission Breakout, hein, attention. Mais on vous a préparé un petit truc, etc. C'était nul à chier. En fait, ils te mettent dans le noir complet. T'as aucun son pendant tout le long. On est sur l'ancienne version de la Tour de la, Tour de la Terreur. Donc, tu sais, d'abord au début, t'as tout un cheminement. Tu montes un petit peu, ils te racontent une histoire. Tu descends, ils te racontent une histoire, etc. Sauf que là, tout ça, tu l'as dans le noir complet, sans son. Donc, juste, tu te sens que tu montes. Et puis, il y a un espèce de silence gênant avec tout le monde dans l'ascenseur qui fait... Bah quoi, il y a un problème ? Non, je sais pas. Mais donc, il se passe rien, tu t'emmerdes un peu. Et à un moment donné, t'as un espèce de son qui est, a priori... Moi, très franchement, sur le moment, je pensais que c'était quelqu'un de l'ascenseur qui avait sorti un portable pour faire une musique, pour faire une vanne, tu vois. Ouais. Et en fait, pas du tout. C'était le son un son des gardiens qui avait été mis, mais dans une version mixée dégueulasse. Et c'était pas ça, très c'était bien. Pas David et derrière, Guetta, ça, du coup. Non, c'était vraiment pas... C'était vraiment un espèce de truc sursaturé, on n'a pas compris, quoi. Et c'était un peu ça tout le long. Il y avait une conférence qui était prévue avec des Imagineers sur Marvel. Nous, on se dit, putain, le Land Marvel, on va apprendre des infos. Rien du tout. Ils nous ont rien donné. C'est juste, on s'est fait chier, quoi. La soirée, on s'est beaucoup marré avec Tony et compagnie parce que justement, c'était nul et donc c'était drôle. Mais qu'est-ce que c'était vraiment nul. Donc ce n'est pas à refaire. Ah bah pour le coup non, je pense qu'ils vont en refaire pour Avengers Campus et à mon avis ça sera bien meilleur, ça sera pas dur en même temps. Et justement, pour ou contre le retour du spectacle et des soirées Marvel du coup, t'aimerais bien ou pas? Ah bah alors la saison Marvel, moi je pense que oui effectivement il faudrait la remettre parce qu'elle était plutôt cool. Maintenant les soirées en règle générale, je sais pas on sait pas trop où on en est parce que le Covid tout ça tout a été annulé, et c'est en train de reprendre tout doucement. Mais si ça se passe comme ils ont fait là, la soirée des 30 ans qui était franchement très très cool, je suis très très chaud pour qu'on refasse plein de soirées, hein, avec grand plaisir. Ouais, bah après c'était un peu bizarre parce que ils avaient, comme on disait tout à l'heure, fait des saisons Marvel, Star Wars, ils mélangeaient. Et là en fait on a l'impression que. Là il y a eu la Pride là, à Studio. Mais du coup la question que je me pose c'est est-ce qu'ils vont en faire d'autres à Studio en fait ? Et pour. Non, c'est. Je pense que oui. Je pense que petit à petit, c'est l'objectif aussi. Hein. C'est que ils vont avoir. Là, on n'est pas encore à l'étape où on a le lac, Mais maintenant qu'ils ont toute la zone Marvel qui va être sortie de terre, bah tu peux grave justifier des soirées Marvel à cet endroit-là. Si t'en fais pas, c'est que t'as vraiment un problème. Tu t'appelles Disney, tu fais pas de soirée Marvel. Ou des soirées vraiment. Peut-être alterner les soirées au studio et aussi au Disneyland Park. Quoi. Ça, je pense qu'ils vont en faire de plus en plus aussi. Mais c'est l'histoire de planning aussi. Hein, parce que. Et puis de thunes, laisser ouvert le parc Disneyland, c'est pas la même chose que laisser ouvert que le parc studio. Oui, c'est vrai. C'est ça qui ferme plus tôt, non? Tu m'étonnes. Alors, petit conseil, voilà, allez juste après la parade, il n'y a personne dans le parc. Il y a toujours du monde à crush, mais... je le dis toujours, hein, le conseil numéro 1 que je donne aux gens, parce que justement, les gens ont tendance à faire l'inverse, ne commencez pas votre journée au studio. Jamais. Tu commences parce au parc Disneyland, il y a plus de places, plus d'attractions, plus de choses à faire, donc les gens sont plus épars dans le parc. Et comme tout le monde se jette sur les studios... Tu vas tranquillement après bouffer, tu vas à 14h, 15h, tu as large le temps de le faire tout le parc studio tranquille et tu auras bien moins de temps. Il y a une théorie selon laquelle les gens commencent par le studio et après ils font le parc principal dans 100 aiguilles d'une montre. C'est fort possible. Hein, parce que, Du coup, quand tu vas au centre, quand tu vas au grand parc et commencer par Discovery. C'est très naturel en fait. Commencer par un buzz. Mais en règle générale, c'est vrai, hein, il faut toujours prendre le truc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand tu rentres quelque part, parce que les gens ont tendance à aller à gauche en premier. Ah, je suis d'accord. Dealer, moi, je commence toujours par Merci, Priscille. Tu commences du coup, toi aussi, Laurent, tu fais ça? Tu commences par le principal? Bah oui. Alors, ouais, on faisait ça il y a des années avant. Avant, on arrivait à faire tout en une seule journée avant. Ouais. Avec ce système-là. Ah, c'est efficace. Hein. Ouais. Donc voilà le conseil. Enfin, faut pas qu'on tente trop les gens de suivre ce conseil, parce qu'après on sera obligé de refaire dans l'inverse. Voilà, on fera dans l'autre sens alors. Moi je me prépare à retourner. Non, continuez comme ça. Change ma veste. Continuez. Voilà. Continuez comme ça. Faites tout studio en premier. Voilà, c'est bien. et donc du coup là, on a eu la nouvelle il y a pas longtemps que le Marvel Avengers Campus, parce que c'est le vrai nom, je crois que c'est Marvel Avengers Campus. Je suis pas sûr que ce soit. Avengers Campus, je ne sais plus. Bref, l'Avengers Campus qui ouvrira le 20 juillet 2022 avec du 16 au 19 la possibilité pour ceux qui sont Infinity. Alors, je crois que le 16, c'est que les Infinity. C'est ça. Donc, voilà. Et le 17 au 19, c'est Magic Plus et Infinity. Voilà. Ouais. Et le 2 juillet, les castes, ils ont le droit de faire un bon tournoi. D'accord, donc les castes. Ouais. Les castes peuvent y aller avant. Bon, ok, super. Et, ouais. Le 2 et le 4, je crois. Non, le 2 juillet et le 11, c'est avec leur famille. Ah oui. C'est bien pour eux, en tout cas. C'est très bien pour eux. Oui, c'est important. Oui. Et toi, Nagla, du coup, tu vas le voir avant ou pas? Ouais, ou... tout à fait. Nous, on a une invitation avec Insiders pour aller le voir le 10. Le dimanche, on ne sait pas encore si on pourra y aller à 1 ou à 2. En tout cas, on va en profiter pour s'enregistrer, enregistrer ce qu'on peut si on a le droit, parce qu'il faut qu'on voit ça. Et surtout, donner nos impressions comme ça, sans spoil. Ce qu'on prépare en fait, c'est que très vite dans le mois de juillet, on sortira du coup un podcast qui ne spoile pas, mais qui donne un peu un premier avis. Et puis après, on fera plein. Ouais, t'as toujours ce devoir de réserve. Même sans ça, c'est que je veux pas. Enfin. Déjà, effectivement, il y a peut-être des règles qui seront données par Disney. S'il y en a, évidemment, on les suivra. Mais après, c'est surtout que moi, en tout cas, si j'écoutais un contenu sur un nouveau truc, j'aimerais pas qu'on me dise tout ce qu'il y a dedans et me révéler toutes les surprises avant d'aller voir le truc. Donc, pour ça que je veux toujours faire un premier contenu qui reste très vague et qui donne juste un avis. D'accord. Bah écoute, tu seras le premier d'entre nous. Donc, on aura tes impressions dans ton podcast. Du coup, rien que j'essaierai de m'en montrer digne. Ça fait rêver. Oh. Et Thor. le Marvel Avengers Campus, du coup, a pour but de nous plonger dans un campus où, justement, on va essayer de nous intégrer dans une formation de super-héros. Voilà, ça donne envie. Mmh. Et la chose qui est plutôt... tu as fait un podcast sur la musique, justement. C'est vrai. Alors, à ton avis, est-ce que la musique, ce sera une musique dédiée au campus ou est-ce qu'on aura une musique qui est attachée à un film ou un thème de personnage? Si je te dis pas de bêtises, on a déjà eu en vrai des échos de la musique puisque, pro tips, si vous allez aux toilettes de la Tour de la Terreur, vous pouvez entendre la boucle du Avengers Campus qui tourne à cet endroit-là, de ce que j'ai cru comprendre. Alors, j'ai pas pu l'expérimenter moi, mais a priori, elle est déjà en train de tourner un peu. Donc, bon, Laurent, le 16... Laurent, le 16 juillet, on y est, on va aux chiottes. Ouais. Première étape. Voilà, première étape, on arrive. Non, on fait d'abord le parc, dans le sens contraire. Ouais. Voilà, et après, on va aux chiottes. Aux chiottes de l'October. On colle l'oreille contre la faïence et on attend. Voilà, j'attends. Et donc, de ce que j'ai cru comprendre, on est beaucoup sur de la reprise, effectivement, de films dans des versions un peu différentes, si je dis pas de conneries. Oh non! Eh, si. Alors qu'ils ont fait une musique dédiée pour l'attraction Spider-Man, d'après ce que j'ai compris. Ouais, ça oui. Et peut-être que cette musique, d'ailleurs, sera aussi diffusée dans le Land d'une façon ou d'une autre, j'en sais rien. Mais sur le gros du Land. Après, c'est pas incohérent non plus, tu vois. Une boucle de Land, t'as besoin d'avoir au moins une bonne heure de musique pour pas que ce soit trop répétitif, tu vois. Je crois que c'est 1h15 la boucle à l'entrée des studios. Et c'est entre créer 1h15 de musique, être récupéré de musiques qui existent déjà, au pire, tu les adaptes un petit peu, histoire de dire. En plus, les gens y connaissent, ils sont contents. Bon. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'apparemment, il y aura Friday. Alors, tu sais qui c'est Friday, Laurent, ou pas, peut-être pas ? Non. Non, c'est l'intelligence artificielle de Tony Stark. Alors, on l'avait pour la saison. Ah oui, d'accord, non, mais pardon. Et oui, d'après ce que j'ai pu comprendre, alors Hansa Nagla, c'est sous ton oreille attentive, c'est que c'est elle qui annoncera l'arrivée des super-héros et leur départ, ce que j'ai compris. Alors, d'accord, j'ai pas suivi pour le coup. Donc, j'ai cru comprendre ça, je ne confirme pas, mais apparemment c'est elle qui accueillera en fait nous déjà, et puis c'est elle qui dira attention, il y a une menace dans le coin, et puis il y a des super-héros qui arrivent. Parce que l'une des particularités, c'est qu'apparemment les super-héros seront là de temps en temps, d'après ce que j'ai compris, après on verra. Oui. Voilà, alors ils te font tout un teasing effectivement sur les héros qu'il va y avoir. Difficile de savoir ce qu'il en est exactement, mais de ce qu'on comprend, il y a plein de noms qui ont été cités. Je sais pas tous là sous les yeux, mais Black Panther et pas mal de gens du Wakanda, Okawe notamment. Je me souviens jamais de son nom, c'est terrible. On va avoir aussi. Qui ça ? La Dora Milaje ? Ouais, voilà. On va avoir aussi du Captain Marvel, du Spider-Man, du Thor, enfin, plein de gens comme ça, rien de très... Captain Carter, t'as dit ? Marvel. Si on est très... si on commence déjà à être un peu rageux alors qu'on n'a même pas vu le truc, donc on le saura pas, parce qu'on va attendre de voir. Mais a priori, il n'y a pas l'air d'y avoir de truc hyper exotique. Tu sais, c'est con, mais même un Doctor Strange ou une sorcière rouge, j'ai plus son nom, putain. Vous voyez qui voilà. Même eux, tu vois, on n'a pas l'air de les avoir. On reste sur très les Avengers première génération, du Black Panther éventuellement. Pas beaucoup plus. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on aura du Captain America classique qu'on connaît, ouais. Steve Rogers, mais on aura, de ce que j'ai vu les images, on aura aussi du Sam Wilson en Captain America. Oui. Alors du coup, ça pour le coup, c'est un peu original. Ouais. Bah après, alors du coup, quand t'es fan de Marvel, tu te demandes. Bon, tu dis c'est pas le MCU, mais tu demandes s'ils n'ont pas créé leur propre univers, tu sais. Tu vois, c'est un peu bizarre quand même. C'est un multivers. Hein. C'est un peu ça. Voilà, c'est un multivers. Je pense qu'ils veulent pas faire. Ils n'ont pas envie de faire la même erreur que le Galaxy's Edge, où ils sont enfermés dans la postologie, ce qui fait que leur land à la base Galaxy's Edge, il est censé être uniquement dans une thématique bien spécifique de la postologie, machin, etc. Et aujourd'hui, ils sont en train de revenir sur ça. Ils sont en train de dire non, mais finalement, si on pouvait mettre Dark Vador, ça serait quand même stylé. Si on pouvait mettre Mandalorian et Grogu, ça serait quand même sympa, etc. Ils sont en train de revoir leur plan un peu. Ah ouais, c'est plutôt pas mal du coup. Bah, ça pète la timeline du coup, mais. Ouais. Et hâte aussi, c'est de voir ce qu'on a pu voir, c'est que les Dora Milaje allaient se promener un peu comme les Stormtroopers pendant la saison Star Wars en fait. Donc, ouais. C'est ça, on va avoir quelques marches, des choses comme ça. Mais encore une fois, la façon dont c'est annoncé, c'est vraiment pas très très clair. On ne sait pas trop si on parle de spectacle, de show. Il y a l'air d'y avoir des trucs qui ressemblent à des shows qui sont annoncés. Il y a des trucs qui ressemblent juste à des rencontres personnages. Et il y a des trucs qui peuvent être de simples. Tu sais, quand les Indestructibles débarquent sur leur Segway et qu'ils font avec les gamins hey, vas-y, t'es un héros, fais comme ça. Ouais. Ça sera juste des trucs comme ça. On ne sait pas trop encore. Et du coup, il ne servira plus à rien le cinéma. Du coup, c'est le cinémagique, puisque avec les super-héros, on les prendra en photo dans cette partie-là. On peut peut-être espérer qu'ils y remettront un vrai spectacle. Ça serait cool. Voilà, remettez le spectacle des super-héros, parce qu'il est plutôt pas mal. S'il vous plaît. Laurent, alors, hâte ou pas de voir arriver ce land ? Et quelles sont tes attentes ? Bah oui, d'abord, premièrement, j'ai super hâte. Vous m'entendez? Tout à fait. Oui, c'est bon. Ah oui, d'accord. Oui. Non, j'ai super hâte. Hein, donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être là le 16. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le 30 juin hein, pour trouver son petit credo. Ça va être chaud. Mais oui, j'ai vraiment hâte. Caméra au point. De faire découvrir et ça. Et tu en attends quoi, justement, de cette ouverture? Qu'est-ce que tu en attends? L'émerveillement. Voilà. Oh, je veux être émerveillé. Ça, c'est lyrique, j'aime bien. Voilà. Est-ce que tu veux être heureux? Bien vu. Moi, ce que j'attends... Avec toi, tu n'iras pas le 16-17, du coup, tu verras, mais de manière générale. Non, mais toi, même... De manière générale... vous allez dire que je suis caricatural et tout, mais moi c'est les restos que j'attends pas mal. Tu sais que c'est pareil, c'est les restos que j'attends, la bouffe. C'est terrible. La bouffe. Parce que, bah ouais, bah on veut découvrir aussi, tu vois, c'est con. Hein, mais... Non, parce que après, évidemment, les attractions, les choses comme ça, et même ce qu'ils vont faire du land, tu sais, la vie autour du land, je suis très très curieux de ce qu'ils vont en faire. Maintenant, ils ont fait une annonce resto, j'imagine qu'on va on va y revenir plus tard, une offre resto qui a l'air d'être pas mal abondante. Je pense que ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont obligés d'avoir leur événement des chalets sur Ratatouille, qui est un événement que j'aime bien. C'est pas le ouais, problème. Ouais, c'est pas mal. Tu vas l'hiver, sympa, là. Mais hop, un petit vin chaud. Ça fait un petit peu... putain, on n'a pas assez de resto, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, ouvre des chalets, ça le fait, tu vois. Et je sais pas si... Je pense qu'ils sont bien contents d'avoir des vrais trucs qui ont pignon sur rue, quoi. Et en plus, ça coûte une fortune. Ouais, c'est vrai. Et comment... ok. Et je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Bah justement, on va parler des attractions, on va parler de la bouffe. Je vous propose de parler de la bouffe en dernier. Voilà. Ok, let's go. Ça va être le sommet. Donc du coup, il y a deux attractions prévues. Alors, il y a l'attraction, alors que à peu près tout le monde attend, hein, c'est le Spider-Man Web Adventure, voilà, qui est un tout nouveau genre d'attraction où en fait, l'idée c'est que on va avoir des super pouvoirs, enfin du lance-toile, je crois, voilà, parce que j'ai compris, on va devoir aider. Spider-Man qui a créé. Alors, c'est dans le jeu vidéo pour ceux qui ont joué, les Spider-Bots, tu sais. Pour ceux qui ont. T'as les petits robots araignées, là. Je sais pas, t'as joué au jeu ou pas? Sur la PlayStation? Enfin, non. Du coup, tu. Je sais pas où, sur PC, enfin, je dis ça parce que moi j'attends la sortie sur PC en août, on a appris récemment. Donc, du coup, ils créent des spider-bots, en fait, des petites araignées. Je ne savais pas que ça venait de... que ça avait été fait en jeu vidéo, tu vois. Tu m'apprends un truc. Spider-Man, tu ne savais pas? Si, mais je ne savais pas qu'il y avait les spider-bots qui étaient déjà dans ce jeu, en fait. Si, ils y sont. Donc, okay. Tout premier, pas celui-là avec Miles Morales. Tu peux les créer. Et en fait, apparemment, donc les spider-bots seraient incontrôlables et tu serais là pour aider Spider-Man à aller... aller vaincre, on va dire. À les arrêter. On va dire ça. À les arrêter. À les arachner. Oh allez. Voilà. Like, drop. Hop, c'est au revoir. Bisous. et que je veux dire. Oui, alors, je sais pas. J'ai cru comprendre. Alors, toi, Nagla, t'es plus calé que moi à ce niveau-là. Mais j'ai cru comprendre qu'aux États-Unis, il y a un sorte de moyen d'acheter des pouvoirs en plus dans les. Une sorte d'add-on dans les. Pourquoi tu veux que ça ne soit qu'aux États-Unis quand il s'agit d'acheter du pognon, se faire du pognon? Disney, c'est très bien faire en sorte que ça s'exporte. On l'aura aussi chez nous. Donc effectivement, tu as un genre de bracelet, je ne sais plus comment ils l'appellent, qui là-bas coûte 25 balles, mais on espère que ça coûtera moins cher parce que le nôtre, il a l'air d'être vachement moins... Il y a moins de finition dessus. Donc soit on se fait avoir, soit ils le font moins cher et à la rigueur, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est qu'effectivement... Soit tu fais le mouvement avec le bras, tu sais, t'es censé imiter le geste que fait Spider-Man pour tirer tes toiles pendant toute l'attraction. Il paraît que c'est Tendinite Land, hein, parce que du coup, tu passes vraiment ta vie à faire comme ça, ça fait hyper mal. Mais bon, pourquoi pas. Et donc, bah, pour te simplifier la vie, tu peux aussi acquérir pour une modique somme eh bien, la possibilité de tirer ses toiles avec un genre de pistolet. T'appuies juste sur un bouton et ça tire pour toi. Et je te parie que ça se trouve, le passager ne marchera pas. sur ce genre de truc, normalement ça devrait marcher, mais ouais, on pourrait avoir des surprises. Ça marche pas pour l'alcool, donc je suis sûr que ça marchera pas. Bon, tu paries que ça va pas marcher, pas Samuel, quand tu vas repasser. Ah non, c'est pas confident. C'est pas un achat indépendant, autonome. Donc, bah oui. On verra peut-être que. On les connaît les raisons. Ouais, on les connaît. Et on a une deuxième attraction qui s'appelle la Flight Force. Alors, du coup, là, c'est pas seulement une nouvelle attraction, puisqu'ils auraient repris le tracé de l'ancien Rock Island Coaster. Ils n'ont pas changé au final. C'est même sûr. En gros, le tracé ne bouge pas. En fait, on le sait parce qu'on a accès ils sont obligés de déposer les déclarations de travaux, là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, on sait qu'ils ont pété, a priori, la file d'attente. Ça, la file d'attente, elle va complètement changer. C'est de l'extérieur, je suppose. Même l'intérieur. À droite, là, quand t'arrivais. Même l'intérieur. Toute la partie, d'accord. Le bâtiment des files d'attente. Il y avait toutes les guitares, là. Tout à fait, tout est pété. Je sais pas ce qu'ils ont fait des guitares, mais le reste, en tout cas, tout est pété. Et l'idée, c'est qu'effectivement, tu vas avoir une nouvelle file d'attente, tu vas avoir une nouvelle façon de faire pour la gare. La façon dont tu entres dans le train sera pas la même. Notamment, tu verras plus, tu sais, dans Rock'n'Roller Coaster, tu avais le 3-2-1 que tu voyais. Là, ouais. Tu le vois plus, oui, quand tu arrives. Ouais. C'est vraiment quand tu es dans le train que ça va se passer. Donc, je sais pas comment, on va voir. Mais par contre, au niveau du parcours en lui-même, du trajet que fait le train, il ne devrait pas y avoir de changement majeur, si ce n'est de la décoration, peut-être du son, peut-être des lumières, j'en sais rien. Mais comme le bâtiment est relativement petit... Les wagons. Le train en lui-même va changer, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais, vaut mieux. J'espère aussi, oui. Ça n'aurait aucun sens. Mais ouais, du coup, il n'y aura pas beaucoup plus de changements que ça. D'accord. Et comme le bâtiment est petit... On ne s'attend pas non plus à ce que ce soit énormément de changements, tu vois ce que je veux dire, un truc qui va bouleverser la chose. Sur la file d'attente, là, avec les animations, etc., tu veux dire ? Bah, c'est difficile. C'est quand tu arrivais, tu avais... j'arrive plus à trouver le groupe, tu vois. Après, avant le Covid, je ne me rappelle plus de rien. Ouais. Tu avais le groupe, là, justement, qui parlait. Oui, tu avais Aerosmith qui se mettait, tu avais l'espèce de truc, etc. Ah, il live, machin, il criait dessus et tout ça. Ouais. Ça, a priori, ça y est plus, c'est sûr. Mais moi, je te parle vraiment de même le bâtiment lui-même. Si tu veux, tout le trajet du Montagne Russe, il est dans un bâtiment qui est finalement très étroit. Et le Montagne Russe, il est hyper refermé sur lui-même. Et donc, si tu veux ajouter, ça parle de déco, ça parle de certains animatroniques, etc. Dans la file d'attente, là, ils peuvent le faire, il n'y a pas de problème. Mais pour ajouter des choses au niveau du parcours en lui-même, on ne sait pas trop comment ils vont faire, en fait. Parce que tu es vite près des murs. C'est un bâtiment déjà très éclairé, donc si tu t'amuses à faire une projection, bah, la projection elle va être visible de tous les trains qui tournent en même temps, ce qui est pas censé être enfin c'est pas très joli, tu vois. Donc comment ils vont faire, on sait pas trop. Donc ça pose beaucoup de questions. C'est vrai que t'as raison, parce que quand tu regardais, quand tu faisais bon, allez, je vais faire une mauvaise comparaison, mais elle se fait quand même. Tu prends l'Hyperspace Mountain, t'es vraiment dans le noir, et c'est comme tu dis, c'est large, c'est conique, c'est large, et puis t'es pas éclairé, comme tu dis, par les lumières de telle animation à droite et à gauche. Et c'est vrai, quand tu as le souvenir de Roller and Coaster, tu voyais facilement les rails par où tu passais, alors que vraiment, dans Hyperspace Mountain, tu le vois pas forcément, ça. Tout à fait. Donc, effectivement, on va voir. On va voir. Alors, ça veut pas dire que ça va être nul, j'en sais rien, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, ça pose beaucoup de questions, quoi. De ce que l'on sait, c'est que Iron Man, donc... Captain Marvel seront les protagonistes de l'histoire, ou ils nous recruteraient, je crois, pour. Je pense pour peut-être traverser la galaxie, ou je ne sais pas. Bah, en fait, c'est toute l'histoire d'Avengers Campus, c'est-à-dire que c'est donc un campus. Le campus n'existe pas qu'à Paris, d'ailleurs, ça va être intéressant aussi, c'est qu'il y a un truc qui a ouvert à. Je sais jamais, je crois que c'est Orlando, tout simplement. Donc à Orlando, il y aura aussi le campus. Et ils sont là, en fait, les super-héros débarquent en Europe et aux États-Unis et peut-être ailleurs s'il y a d'autres campus qui ouvrent, pour recruter des petits Européens pour qu'on devienne, nous, des super-héros. Et l'histoire de Flight Force, c'est que, alors, dans le land, donc c'est pour ça, hein, Spider-Man, il va nous demander de donner un coup de main pour battre ses Spider-Bots. Les héros vont sortir dans le land pour nous entraîner, montrer, ah, regarde là, ça c'est un héros, machin, très bien, tout ça. Et donc, à force d'être entraîné, Iron Man va faire appel à nous pour combattre les Kree, si je dis pas de conneries, d'accord, avec Captain Marvel. Si je dis toujours pas de conneries. Oui, bah c'est pas étonnant. Oui. Doublé par Brie Larson d'ailleurs. En français, on aura la voix de Brie Larson en VO du coup. Hein. Mais elle sera là, donc ça c'est plutôt cool. Et donc c'est comme ça qu'on va être amené à combattre les Kree avec eux. A priori, c'est ça l'idée. D'accord. Ouais, écoute. tant mieux. Bah, hâte d'être recruté par Iron Man dans ce cas-là. Et de ce que j'ai pu voir là, c'est par contre que j'ai regardé l'autre fois, c'est qu'en fait, on aura le premier audio animatronique à apparaître dans un parc Disney. Et ce sera nous qui aurons la primeur de la voir, ce sera Iron Man. Voilà. Alors, on a en fait effectivement un très beau Iron Man, a priori, qui nous est promis de dernière génération. J'y connais pas grand-chose, mais... Mais ouais, et donc, normalement, si j'ai pas de conneries, ce sera dans la file d'attente de Flight Force, ouais. Et on le verra, ce truc. À ton avis, on aura de la musique ou pas dans les esgourdes? Oh bah, j'espère. Du AC/DC, parce que quand t'entends Iron Man, tu dis c'est du AC/DC que t'as. Aussi. Bah, alors, j'espère en tout cas qu'on aura des choses. On aura au minimum Brie Larson et la VF de Tony Stark, je sais pas si ce sera l'officiel ou pas d'ailleurs, qui nous parleront dans les oreilles. Maintenant. Et Laurent, t'aimerais rien toi de la musique toi avant? Comme, ah bah oui, comme, Ah oui, AC/DC, plaisir. C'est clair. Ah oui. Oui. Bah oui, c'est Tony Stark. Du coup, quelle attraction qui vous hype le plus, enfin, Laurent, okay, Spider-Man Web Adventure ou Avenger Flight Force, quelle te hype le plus? Spider-Man. Peut-être les deux. Ouais. Je dit, okay. Par la nouveauté qui ne. Et toi, Naga, du coup? Je vais être très honnête, je suis presque plus hypé par Flight Force pour voir un peu ce qu'ils ont fait, et parce que ça fait un coaster et que finalement les coasters c'est cool. De ce que je sais, je me suis zéro spoilé, mais l'attraction Spider-Man elle est déjà sortie aux États-Unis et il y a des critiques assez mitigées. Les gens sont quand même relativement contents, mais a priori, eux, ils connaissent très bien Toy Story Mania et ils disent c'est pas très très différent d'un Toy Story Mania. Toy Story Mania, c'est une attraction un peu pareille avec des écrans où tu lances des trucs pour interagir avec les choses. Et au-dessus de ça, moi, à la rigueur, ce que pensent les Américains, je m'en fous, tu vois, je testerai, je me ferai mon avis. Mais j'ai déjà fait une attraction un peu similaire à Fantasyland qui s'appelle Maus au chocolat, où tu dois tirer avec un petit bazar du chocolat sur des souris, ce que rigolo à faire, mais que je trouve pas dingue non plus. Donc ça commence à faire beaucoup de raisons, j'ai l'impression que c'est pas trop mon type d'attraction. Du coup, je me dis au pire un coaster, tu vois, au moins c'est une valeur sûre, même si je suis vraiment pas fan du rock'n'roller que ça non plus, mais bon. J'ai peur dans le web quand même, dans l'attraction Spider-Man, j'ai quand même peur de me dire il faut acheter les add-ons pour pouvoir apprécier l'attraction, tu vois. Bah, j'espère que c'est pas le cas. De ce qui se dit vraiment, hein, c'est non, tu vas faire l'attraction, tu vas la kiffer en bougeant le bras, mais par contre, c'est physique. Bah, tant mieux pour ceux qui veulent faire le sport le dimanche matin. C'est exactement ça. Allez faire Spider-Man. Voilà. Pendant les heures de magie. Routine, damn. Voilà. Tu pues la sueur dès le matin à 8h30. Bah, oui. C'est bon. Allez hop. Les gens à la file d'attente, putain, c'est qui? Eh, l'avantage, c'est. Alors, du coup, là, tiens, la question de la glace, que j'avais entendu un podcast justement où tu parlais, c'était un podcast justement où tu parlais des fast-pass, il y a un moment, quand ça disparaissait. Mm-hmm. Et j'étais d'accord avec vous, avec toi et Curien, surtout c'était Curien que vous avez fait, qui avait parlé, en disant que c'est pas plus mal parce qu'en fait, ça va permettre de répartir les gens sur tout le parc. Et c'est ce qu'il disait à peu près, si je raconte. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, en fait, tu avais cette espèce de. Je simplifie très vite ce qu'il disait, mais. Quand tu as un système de fast-pass qui est ouvert à tous, mais que pas tout le monde comprend, déjà, c'est un peu injuste, parce que tu as plein de gens qui ne les prenaient pas de base. Et en plus, ils avaient tendance à ralentir toutes les files d'attente de toutes les attractions, puisque dans toutes les files d'attente, il y a un petit peu de fast-pass qu'il faut faire passer en priorité par rapport à la file principale. Là, tu le vois dans BTM, exactement. Par exemple. Tu le vois bien. Exactement. Hein. Quand tu avais BTM, c'est blindé, mais quand tu vois la file d'attente qui arrive aux portes de BTM, il n'y a pas beaucoup plus d'une heure d'attente. Non. Ouais, alors qu'avant, tu voyais ça blindé. Bah, tu avais facilement 120, 180 des fois. Tout à fait. Et du coup, peut-être qu'on pourra faire un crush coaster. Alors, j'y crois là, pas. Là, il est un peu vide, la Palisade Land. Enfin, ça serait bien que vous ouvriez des attractions, parce que là, c'est un peu vide. Hein. On va dire ce qu'il y a. Je vois bien, mais j'y crois pas beaucoup. Tu crois pas que ça va vide? Tu veux me dire, justement, vu que ça va ouvrir, là, moi, j'ai peur, c'est que les gens s'amassent, tu vois. Le matin, ils vont s'amasser. Alors, je pense qu'effectivement, ça va être bien blindé, surtout les matins et surtout au début. Donc, n'oubliez pas le conseil. Hein, vous y allez à partir de 14h, 15h. À mon avis, ce sera déjà beaucoup mieux. Et, non, on ne donne pas le conseil. Ah oui, c'est vrai. Merde, du coup. Allez-y le matin, tous. Mais par contre, ce que je pense, c'est que le Rock'n'Roller Coaster, à l'époque, il avait quand même un débit assez fat. Et donc, en vrai, c'est un coaster, tu vois, ça va assez vite. Je pense que les files d'attente reviendront assez vite à des niveaux raisonnables. Par contre, a priori, le Spider-Man, il a pas un débit de dingue non plus. C'est pas Nemo. Hein. Enfin, Crush Coaster, il a un débit vraiment dégueulasse pour le coup. Donc lui, c'est pour ça que je pense qu'il aura toujours plein de gens dedans. Par contre, celui Spider-Man, il risque aussi d'avoir ce problème-là, mais moindre quand même. On n'est pas au même niveau. Est-ce que c'est une instruction qui va être longue ? Je ne sais pas. Ça, ça fait partie des trucs comme je me suis pas spoilé. Est-ce que c'est comme Indiana Jones, 30 secondes, c'est fini ? Non, je pense pas. Je pense pas. Non, quand même pas. À mon avis, non, c'est plusieurs minutes, mais je suis incapable de te dire si c'est 2, 3, 4 minutes. À mon avis, 3, ça serait bien, tu vois. Ouais, 3, ouais. Faut voir, c'est combien. Enfin, c'est, t'es dans des box, d'après ce que j'ai compris, mais faut voir combien de personnes ils peuvent mettre dedans. Je l'ai su. Je crois que c'est 4 alignés. 4, ah oui, d'accord, t'as une certaine quantité. Ouais. Quand même pour. Ouais. Bon, on va espérer quand même que ça fait un peu de place pour les amateurs de Crush Coaster, quoi. Bah, j'espère beaucoup pour eux aussi et pour moi parce que j'adore Crush Coaster en plus. Et je peux jamais le faire, je suis deg. Et même aux heures de magie en plus, hein, c'est blindé. Hein. Ah non, mais. Dès que... Alors déjà, les heures de magie au plus, faut se lever tôt, donc je les ai jamais connues. Mais au-delà de ça, je... c'est même pas ouvert. Ouais, ça a toujours été blindé, Crush. Ouais. Mais là, ils ont rajouté la single, là, ça y est, j'ai vu. Bah, ah, ils ont rajouté la single. Ah, trop bien. Il y a tellement... la single, j'ai vu ça le week-end dernier. Donc, ça divise quand même, c'est pas mal. Je l'ai fait aussi, moitié. Effectivement, je l'ai fait que en 40 minutes. Oh là là. Mais c'est dingue parce qu'ils sont. 40 minutes de t'attente. Ils sont amusés à retirer la single, remettre la single. Enfin, dans l'histoire de Crush, ils ont tout testé. Hein. Ils ont mis des fast-pass. Là où aujourd'hui, il y a des fast-pass payants. Je pense que c'est la meilleure solution pour faire Crush. Ça coûte une blinde. Je pense que c'est une mauvaise idée de le faire en règle générale, mais. C'est quoi, c'est 15 euros. Ils ont fait un pass justement où tu payes, je sais plus, c'est 90 balles et tu peux faire une attraction. Ouais, ils ont un nouveau pass effectivement. Alors, c'est pas une attraction 90 balles là pour le coup, ça serait vraiment. Non, non, une fois, t'as 12 attractions et tu les fais qu'une ouais, fois. C'est ouais, c'est ça. En gros, c'est le. Parce que t'as les fast-pass que tu peux acheter à l'unité sur les attractions et leur pass à 90 balles, ça te permet de faire, je crois, toutes les attractions qui ont un fast-pass, tu peux les faire grâce à ça. Pourquoi pas. C'est cool. Ah, un peu comme. Comme on nous avait fait ça au Futuroscope. Bon, c'est pas 90 balles au Futuroscope. Ouais. En vrai, c'est un système que j'aime bien pour l'avoir fait au Japon, au parc Universal. Quand t'as qu'une journée pour faire un parc, qu'il y a quand même pas mal de monde, parce que le Japon, c'est peuplé, et que tu découvres qu'il y a un système où pour 60-70 balles, tu peux faire à peu près toutes les grosses attractions dans ta journée. Tu fais, bah en vrai, bien sûr que je le prends. Surtout que t'es au Japon, donc tu en profites quand tu n'es pas annuel à Paris. Jamais, a priori, t'auras pas l'occasion de refaire ce parc avant un petit moment, donc t'y vas, quoi. Ouais, ça vaut le coup, parce que sur ce moment, vu que t'es étranger, et que t'as, comme tu dis, tu vas une fois, c'est pas mal. Quand là, t'es pas annuel, ça sert à rien. Quoi. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est le public qui est visé, quoi. Le public qui vient une fois tous les 100 ans, ils ont besoin de faire toutes les attractions un minimum de temps, quoi. Tout à fait. Ou le public blindé, c'est l'un ou l'autre. Ou blindé, oui. ceux qui mangent les petits doigts levés dans les restaurants. Ah voilà. Oui, ouais. Ah oui, les aristochats. Les aristochats. Alors, il n'y a pas des attractions, il y a aussi des, de la nourriture. Oui, voilà, la bouffe. Pardon. De la bouffe. Voilà, on va parler du façon, il y a food, il y a que ça. Il paraît que d'ailleurs. T'as eu l'occasion, toi, Nagla, de faire les Disneyland à l'étranger, mais justement, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que la bouffe à Disneyland Paris est meilleure que la bouffe dans les autres parcs ? Alors, j'ai pas eu tant d'expérience à l'étranger, puisque à part DisneySea que j'ai fait pendant 6 heures, c'est une longue histoire, mais j'ai vraiment pas fait beaucoup de DisneySea, donc j'ai même pas eu l'occasion de tester la bouffe du Disney japonais, donc je vais pas pouvoir te faire des comparaisons. Par contre, de ce que je vois, ça a quand même l'air d'être. Alors, il s'améliore, mais en termes de choix, on n'est pas hyper bien loti. Hein. Là, ça commence à s'améliorer, mais de base, c'est quand même pas dingue le choix qui nous est proposé à Disneyland Paris, je trouve. En tous les cas, il y a un restaurant qui est prévu. C'est le Pim Kitchen. Alors, tu connais le storytelling ou pas? Oui, c'est sûr et certain. Alors, je me souviens pas dans les détails, mais je vois à peu près, parce que c'est lié à Ant-Man et que c'est une histoire de machin, il faut rendre les trucs petits ou grands. Est-ce que je peux juste... tu as déjà vu l'enseigne de Pim Kitchen? Je suis désolé, je pervertis... Non, je l'ai pas vu. Je pervertis regarde, l'image de tout le monde. Si tu fais une recherche Google, tu tapes Pim Kitchen, tu vas la voir. Pim Kitchen. Hop. Et c'est le même dans les autres parcs? Je crois qu'il n'y a que nous qui l'avons, celui-là. Il n'y a que nous qui l'avons, ok. Ouais. Quand tu vois l'enseigne, tu vas te rendre compte que ça ressemble fort Je vais pas dire le nom du site parce que c'est un site pas nécessairement pour les mineurs, mais ça fait vachement penser à ça. Et en fait, j'ai vu ça. Il y a un type qui a mis ça. Tu me fais peur. Il y a un type qui a mis ça sur Twitter, je sais pas qui, et bon, on s'en fout. Mais depuis, je ne pense plus qu'à ça. Et quand je vois cette c'est enseigne. C'est du Donc je veux pervertir bien, d'autres ça. Gens pour pas être seul dans cette mélasse. Voilà. Attends, je vais regarder, je ne trouve pas. C'est du porn food, c'est ça ? On va dire ça ? On va dire ça. Je vois pas où wow. est ce icône. Attends, j'essaie de te l'envoyer. Google. Parce que le partage, c'est important. Hein, tout. Bah bien sûr. Disneylandplanet.fr. On va regarder ça. Je vois pas. Attends, si. Oh putain, oui. Oui, ça c'est bon, j'ai vu. Il ah, est bah, mis voilà. bleu, Michou. Petit logo, de, petit logo dis, noir-orange. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Un mot en P d'un côté et puis un autre mot de l'autre côté. Voilà. En fait, ils ont dû mettre food porn. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je pense voilà. que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Hein, ils auraient voulu faire. Ah oui, effectivement, oui. J'ai l'image. Voilà. Maintenant, on peut commencer à parler ça. Maintenant, on peut parler du storytelling. Maintenant que j'ai dit mes conneries. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on va. Pas nous, mais. C'est que ça serait un laboratoire scientifique où, en fait, les cuisiniers utiliseraient des particules PIM, où on aurait des gros aliments et des petits aliments, comme des gros plats et des petits plats. Mmh. Et il y a une photo qui a tourné, c'est celle où on a un gros bretzel, je crois, et des petits burgers. Ouais, c'est ça. Tout à fait, c'est le bretzel, il est énorme, et tu as des tout petits burgers à côté. Donc, c'est rigolo ça. Parce que bah, ce qui est grand est petit, ce qui est petit est grand, et c'est un peu expérimental. Voilà. Alors, ça, c'est, ça... Alors, par contre, un truc que je n'accepte pas, ouais. c'est de boire du rouge... Dans les fioles. Ah, et alors, il n'y a pas que du rouge. Hein. Je ne sais pas si tu as regardé ce qu'il y a d'autre au niveau de la boisson, mais tu as du vin bleu clair. Hein ? Alors, mais ils font n'importe quoi. Après, c'est Pim Text Kitchen, tu vois, c'est le but. C'est vas-y, on tente des trucs. Ouais. Et en vrai, pourquoi pas, tu vois. Mais du coup, oui, ça va jusque-là. Ouais. Alors, déjà qu'on veut. Déjà, c'est boire du vin dans des fioles, en plus du vin bleu dans des fioles. Ouais. En plus, c'est un truc, ils vont te vendre l'essai, le vin dans le tube à essai, 25 balles, tu sais. Alors ça, c'est fort possible. En termes de tarifs, en plus, l'alcool... Et on te dira, ah non, le pass annuel ne marche pas, monsieur, c'est de l'alcool. C'est oh, merde. C'est de l'alcool. Par contre, nous avons un tout petit cocktail maison dans un... qui était dans un coquier. Eh, profitons-en, on ne sait pas si on va le garder longtemps, celui-là. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que du coup, tiens, le 11, t'y vas, mais est-ce que vous avez droit à un test ou pas ? Tu sais pas du tout. Le 10, et j'ai aucune idée de si on a un test de la bouffe. J'espère très fort. Sinon, je serais ouais, très déçu. Aussi, vous allez voir. Mais je sais pas, pour préparer des saisons chez les Insiders, je suppose que vous testez de la bouffe. Genre, les... Alors, ça nous est arrivé. Ou... Après, on n'est pas tant invité que ça. Il hein, faut pas non plus. D'accord. Voilà, c'est, de temps en temps, on a des choses. Mais surtout. Là, l'événement que je préférais dans l'année entière, c'était quand on était invité justement pour les chalets, parce que tu avais la possibilité de tout ouais. tester à volonté, gratuitement. J'aime autant te dire que ça, c'était... Même l'alcool ? Même l'alcool. Et alors, je ne vais pas tout raconter de ce qui s'est passé pendant ces soirées, mais c'est allé loin. Surtout. Et d'ailleurs, ah je vais voir sur la photo, je ne sais pas si c'est de la mayonnaise, mais c'est bleu, à côté des crevettes. Voilà. Ouais, des crevettes dans une assiette, il y a une sorte de sauce bleue, on dirait de la mayo bleue. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais, effectivement. Un vin bleu ciel, s'il vous plaît. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, tester. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut réserver ? Il faudra réserver, je suis sûr. Ouais, il faudra réserver. Alors, réserver, c'est sûr. C'est un buffet. Donc, c'est d'autant plus vrai qu'il va falloir réserver. Ouais, il faudra réserver. Oh. Il faudra... Bon, hâte de tester, du coup. C'est de la bouffe, d'autant que c'est un buffet. Moi, les buffets, c'est quand vous voulez. Hein. Aucun problème. Hein. Manger beaucoup. Laurent, t'as hâte de tester ou pas ? Ah bah oui, carrément, bah oui. Ouais. C'est d'ailleurs que le prochain objectif, c'est avoir les horaires des restaurants puis de réserver. Ouais. Alors, est-ce que ça va être comme chez Rémi, est-ce que ça va être obligé de réserver 3 mois à l'avance pour espérer avoir une... Ah ça. Si tu essaies de réserver au Waltz en ce moment, c'est un enfer. Par contre, après, il y en a qui disent qu'ils ont des astuces. Si tu loges en hôtel, tu es prioritaire. Ah. Donc ça, c'est... C'est le petit conseil. Les bâtards, hein, ils ont toujours, que ce soit n'importe quel restaurant, ils ont toujours des places de dispo. Toujours. Et oui. C'est des bâtards. En même temps, ils ont payé 600 balles 2 jours, un nuit. Quand tu payes 600 balles la nuit, tu peux te permettre d'avoir une place privée. J'imagine que, ouais. Tu payes ton menu 90 balles. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a un deuxième restaurant, c'est le Stark Factory. Du coup, celui-là, alors, je pense qu'il est placé à l'ancien, c'est qui était devant, devant Roland Coaster. Voilà. Je pense que c'est là qu'il doit se suiter, celui-là. Ouais, le restaurant des stars, si j'ai pas de conneries, mais je mélange. Ouais, c'était ça avec les sandwichs. Ouais. Du coup, je pense qu'il va être là. La storyline est simple, c'est la Stark Factory. En fait, on serait dans une chaîne de montage du père de Tony Stark, donc Howard Stark, avec des anciennes reliques du Shield, et il y aurait des éléments cachés qui te feraient penser à des artefacts, etc. Donc, et notamment, il y aurait une énorme. Alors ça, je crois que c'est vrai. Il y aurait une énorme armure. C'est là ce qu'on appelle la Hulkbuster, c'est ce que on le voit dans Avengers. Ouais. Le film. Ça c'est confirmé. On a même eu des fan art. On a vu le. Ouais. Super. Oui, c'est voilà. Mais il serait en cours de construction, je crois. Hein. Il serait pas. Ah bon? Ouais, il termine. J'imagine qu'ils sont pas. Non, je veux dire en cours. C'est-à-dire que quand tu arrives, il est. Comme si on était en train de le monter, voilà. D'accord. Oui, dans la story. Excuse-moi, je suis mal exprimé. Non, parce qu'en fait, d'après ce que j'ai pu voir sur les photos qui ont été diffusées, c'est que tu le vois en montage, en fait, en train d'être monté. Alors, du coup. D'accord. Bah, c'est sympa. Oui. Bon, après, je sais pas si la photo reflète la réalité du restaurant. Généralement, oui. Mais voilà. Et il y aurait un food truck qui s'appelait Web. Donc, un food truck qui proposera des nouilles chinoises, asiatiques. Asiatiques, ouais. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin un peu de bouffe asiatique à Disneyland Paris, parce que mine de rien, c'est vrai. Nulle part. C'est plutôt bien. Et des hot dogs, alors du coup, hot dog, on reste dans le hot dog quand même. Parce que... et enfin, un petit peu, c'est le côté Stark aussi, tu vois, c'est que t'es dans les États-Unis, quoi, t'es à New York. Et en plus, il paraît qu'il y aura un cheesecake en bâtonnet. Ça, j'ai hâte. Le cheesecake, c'est la vie. Voilà. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner cette affaire. Parce que... C'est vrai? Bon, ça se trouve, ça va faire comme les cake pop, là, ça fera pareil. C'est sans doute un truc du genre, ouais, mais chelou quand même. Et il y aura un tout petit restaurant à l'américaine qui proposera des sandwichs. C'est le Super Dinner, un truc comme ça. Dit quelque chose. Ouais, c'est encore un food truck. Hein. C'est Super Dinner. En fait, c'est l'ancien. Ok, je vois ce que c'est. C'est l'ancien café des cascadeurs. Café des cascadeurs. C'est ça. Ouais. Et en fait, c'est pas tant de la choucroute. C'est un. Alors, j'ai plus le nom du sandwich parce que c'est très particulier. Je connais pas. Mais c'est un espèce de sandwich où effectivement ils mettent de la choucroute, du fromage. Il y a du fromage et il y a aussi du corned beef. Ah, le truc en conserve. Hein. Ouais. Donc le mélange est très chelou. Je suis c'est américain. C'est très américain. Et tranches de pain de campagne. Voilà. Hop. Je sais absolument pas ce que ça va donner, mais je suis très curieux parce que de nature, je suis très curieux. Et c'est chelou. C'est chelou. Et... Bah, commence par ça avant le cheesecake quand même, si tu veux le bouffer. Hein ? Ah bah ouais. Ah ouais, ça fera des vidéos super sympas ça. Mais ouais, après, il y a un bail où le Café des Cascadeurs, je suis déçu parce qu'il faisait les meilleurs burgers du resort. Ah, c'est vrai ça. Quel souvenir. Ils étaient excellents. Moi, j'ai jamais mangé au Café des Cascadeurs. C'est normal, il était très très souvent fermé. D'accord. Ok. Mais il était beaucoup fermé dans les derniers temps. Au début, il était ouvert. Quoi. Ouais. Peut-être un peu plus au début, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, j'ai oublié de dire dans le Stark Factory, ce sera des pizzas maison, des salades et puis des pâtes. Ouais, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ils te font les pizzas devant toi, alors qu'on est sur un resto de type comment on appelle ça. C'est un fast-food quoi. C'est pas un resto hyper service à table guindé machin. C'est vraiment un fast-food dans lequel ils font des pizzas devant toi. Donc C'est bien de retrouver des vraies pizzas et pas les pizzas en tête de Mickey ou étoile. Oui. Ça fait penser aux Pizza Planet, quoi. C'est vrai. Le regretté, d'ailleurs. Il faut dire ce qui est. Le regretté Pizza Planet. J'y ai très peu mangé, pour te dire la vérité. C'est vrai. Oh, c'est très, très peu. Tu as déjà mangé, Laurent, au Pizza Planet? Jamais. Non. Jamais du tout. Rien. Que c'est un regret. C'est un regret parce qu'il paraît que c'était l'une des meilleures adresses. Je crois qu'il était victime de son succès aussi. Hein. Tout le monde voulait y aller. Donc c'était situé derrière Hyper Space Mountain. Ouais. Donc, voilà. Et enfin, on va parler d'un truc. Alors, le merchandising. Je ne sais pas si vous êtes fan de merchandising. Si vous achetez souvent. T'achètes souvent, Naga? Est-ce que t'achètes souvent des choses? J'aimerais bien acheter, il n'y a rien. Non, mais quand il y a quelque... tu cherches la peluche mémé, elle est pas là, elle est en rupture de stock. Tu te dis, je vais prendre le puzzle pour la copine parce qu'elle veut le puzzle. Il y en a plus, ça fait 2 mois qu'ils ont pas de restock. Dès que tu veux un truc, on se fucking park, tout est vide. Ils sont pas foutus de. Voilà, je suis énervé. Donc, je suis pas un énorme acheteur. Je suis pas un énorme acheteur. Le pire, c'est que vraiment, le merchandising, c'est pas nécessairement mon truc. Mais là, ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Dès que tu veux acheter un truc, tu le trouves pas. C'est insupportable. Ouais, bah oui, c'est t'étais là, bah oui, enfin, t'étais là au. C'était la première journée de la saison des. Bah là, enfin, des saisons, des 30 ans. Ouais. J'y suis allé et il y avait genre 2h30 de queue parce qu'ils avaient consacré qu'une seule boutique, tu sais, pour la. Et après, en fait, bah tu vois, ils ont dispatché à l'Emporium et puis à droite et à gauche. Ouais. Mais avant, c'était que dans une seule boutique, t'avais une queue jusqu'à Discovery. Ouais. Trop de monde, quoi, 2h30. Et puis les mecs, ils sortaient, ouais, j'ai content, j'ai mon sac, j'ai mon jersey. Et puis derrière, qui pleuraient. Ils en prenaient 35 pour les revendre sur eBay. Mmh. Tu les voyais sortir avec des wagons remplis de jersey, de machins, de trucs, etc. On les a plus jamais revus. Et... Enfin, bref. C'est... Si, tu les revois, mais sur Vinted. Ouais, c'est ça. Là, pas de problème. Là tu les revois. Y a aucun problème. C'est insupportable. À ce niveau-là, vraiment, ça rend fou. Apparemment, donc du coup, pour patienter, donc j'ai vu qu'il y a une collection avant-première, Avenger Campus. Alors, je sais pas, vous avez été à Disney, vous l'avez vu ou pas? Ouais, je l'ai vu, j'ai vu les t-shirts, effectivement. Alors, du coup, tu les as vus, donc on peut acheter, là. On peut, alors, ça, pour le coup, ils y sont encore. Je crois. Mais j'imagine qu'ils ont quand même essayé de prévoir, pour le coup, un peu de stock. Mais ouais, donc cela existe et c'est plutôt cool, effectivement, t'as deux t-shirts que... Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime pas beaucoup les t-shirts où c'est écrit en très gros Disneyland Paris ou même Star Wars ou quoi, tu sais, j'aime pas trop machin, j'aime bien quand c'est un peu plus discret. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un peu mieux. Le Disneyland Paris, il est écrit un peu petit, donc ça va. Et je les trouve assez élégants, donc bon. Et Laurent, toi, tu les as vus, non? Quand tu y étais, quoi, la semaine dernière, toi, tu as dû voir, non, la collection? Ouais. Mais après, j'ai pas été à Flora. Je sais pas trop, moi je les ai pas vus en tout cas. Par contre, je les ai vus sur certains guests, mais je les ai pas vus en boutique. Ouais. D'accord. Ouais. En tout cas, c'est une collection qui avait, je suppose, avant-première, c'est pour mettre en bouche un peu les gens avant le merchandising, ou là, où carrément, là, t'as un merchandising complètement attaché, alors que au Avenger Campus, où là, bah, t'as Avenger Campus partout avec écrit Disneyland Paris. Du coup, toi qui aimes bien la discrétion, la glace est mort. Ouais, c'est mort, hein, c'est clair. C'est mort. Hein. Ça, c'est mort. T'as aussi une fameuse coque Rhinoshield. Oh, ce sponsor qui a fait beaucoup parler. Oh là là là là. Et t'as bien aimé, toi, ce truc-là? Ça a été l'un des meilleurs moments de 2022, je trouve. C'est vraiment. Les gars, let's go! Énorme annonce, Avengers Campus. Soyez tous là demain, 15h. Ça va être formidable. T'es là. Ouais, est-ce que c'est la date? Est-ce que c'est le spectacle? Est-ce que c'est la coque? Eh ben, la coque Rhinoshield. Énorme. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Bah, moi, j'aurais pensé qu'ils auraient dit quelque chose sur le Hollywood Tower Hotel, tu vois. Bah, par exemple. Vu qu'elle a vu que c'était sur des tons violets. Un peu comme Hollywood. En fait, non, rien du tout. C'est. Ah, il y avait plein de choses à faire. Tout le monde avait spéculé. C'était marrant. Mais d'ailleurs, je me demande si chez Disney, il n'y en a pas un qui s'est dit. Je pense qu'ils sont nombreux à travailler là-dessus, tu vois. Il n'y en a pas un qui a dit, écoutez, les gars, je pense qu'on fait une connerie. Bah, en fait. Ce que je pense qui s'est passé pour bosser un tout petit peu dans ce genre de domaine du marketing, c'est pas tellement mon rôle, mais je peux travailler avec des gens qui y travaillent. Ça ressemble très fort à. Bah, en fait, on a un partenariat avec Rhinoshield, et quand on s'est mis d'accord sur le partenariat, on a dit à Rhinoshield, ouais, t'inquiète, on va dire avec telle annonce, on utilisera ces mots-là, on dira tel truc, tu vas voir, etc. Et arrivé 3 jours avant, ils ont fait ah merde, mais tout le monde croit que ça va être exceptionnel alors que c'est juste que c'est des cons. Calmez-vous, ça va bien se passer. Et surtout, pas dire ça. Tu sors d'une année post-Covid et du coup, tu chaque nouveauté qui va apparaître, t'es au taquet quoi. Donc, bah, c'est clair. C'est clair. Et c'est pas forcément. C'est pas forcément. C'est pas fameux. Une bonne idée, voilà. Et bah du coup, on va en parler tout à l'heure. C'était comme tu disais, c'était les bracelets bizarres là. Du coup, qui vont être à vendre. Ouais. Et en fait, tout un merchandising sur l'attraction Spider-Man. C'est ça. Donc là, tu auras vraiment. Il y a une clé, je crois, qui a été dédiée. Il y a une doudoune, enfin une sorte de doudoune. Bien sûr qu'il y a une clé comme ça. Parmi le matériel officiel désormais de Disneyland Paris, il y a toujours la clé. Avec très peu d'exemplaires vendus pour que les gens se battent, se retrouvent sur Vinted, etc. Pour la modique somme de 2 000 euros, bien entendu. C'est exactement. Et je pense que oui, il y a des pins aussi. Voilà. Bien sûr. Quoi. Je pense qu'on a fait le tour de Avengers Campus. Je sais pas, Nagla, ce que t'en penses, mais. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal quand même. On a parlé pendant 1h10 quand même de Avengers Campus. Donc, sur l'échelle de 1 à 10 de hype, pour Nagla, c'est du 10 sur 10 pour la bouffe et le reste. Au global, non, je vais mettre un bon 8 sur 10 quand même. C'est la première. Enfin, c'est même pas une extension de parc parce que techniquement, ça remplace des trucs. Mais c'est la première nouveauté majeure depuis 2014. Donc. Si on n'est pas, et je parle du resort, je parle pas que du parc, vraiment tout le resort. Donc, si on n'est pas un peu hypé sur ce truc-là, on sera jamais hypé. Donc moi, un bon 8 sur 10, quoi, quand même. T'as pas peur d'être déçu ? Si, bien sûr que oui. Au pire, question bête, est-ce que t'as peur d'être déçu ? Bah oui. Et Laurent, du coup, toi ? Oh bah pareil, je tourne autour de 8 sur 10, ouais. Ouais. Sauf pour la bouffe, que t'es comme nous, 10 sur 10, quoi. Tu peux pas. La bouffe, ce qui fait chier, c'est le vin dans des fioles, quoi. Mais le reste. Mais tu sais, le levain bleu, ça existe depuis des années. Je connais Tintin et l'orange bleu, super film en passant. Voilà. Ah, voilà. La ref. J'ai pas vu venir celle-là. Mais attends, c'est la ref. Tu connais pas. Si tu tout le monde connaît. Ah si, je connais, je me souviens. C'est un super film. Mais j'en souvenais pas trop. Non, j'aimais bien. Bon, c'est un vieux film, mais il était bien. Après, t'avais Tintin et la Toison d'Or. C'est vrai. Jusqu'à qu'ils sortent, c'est Spielberg, je crois, Tintin et. Oui, c'est lui, non ? Tintin et. Oui, en image de synthèse. Tintin en 3D. Ouais, voilà. Ouais, mais voilà. Et du coup, ouais, du coup. C'est... Et après, en fait, dans la foulée, normalement, quelques temps après, je crois, on aura. Le land de la Reine des Neiges, quoi, la Reine d'Elle. Alors, quelques temps après. Un peu beaucoup de temps après. relativisons un peu nos attentes. Ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'ils sortent le lac, a priori, avant. C'est-à-dire qu'ils ouvrent le lac pour commencer à faire des spectacles. Au lac avant. C'est possible qu'ils fassent ça en deux temps. Et l'autre fois, tu sais, l'autre fois, on y va avec mes filles et mon épouse. Et on arrive, on passe le studio 1 et juste en face, on voit un camion Ben en train de décharger. C'est ça, c'est Arrête. C'est là où tu avais le tram tour, l'entrée. Tu vois un camion Ben monter, tu dis, tu vas avoir un bon moticule de terre et là tu es en train de décharger. Ah, vivement le lac. Il faut ça, c'est la magie, merde. Voilà. Mettez les palissades plus haut la prochaine fois. C'est clair. À Palisade Land, elle doit être haute. Bah, c'est vrai que quand tu arrives dans les studios, tu vois des monticules de terre. C'est pas très esthétique. C'est vrai que ils pourraient monter un peu les palissades. C'est vrai. C'est vrai. Surtout la dernière fois, ça m'avait sauté aux yeux. Tu vois. Bah, du coup, il y a celui-là. Et puis normalement, le stand Star Wars, enfin le stand, le land. Surtout, ça sera même un stand. Je sais pas. Le stand Star Wars. Bah, c'est un lapsus, ça sera un stand. C'est ça. Je crois que c'est pas lui qui sera le plus grand. Hein. Enfin, j'en sais rien, mais. Ah non, ça sera pas aussi grand que Galaxy's Edge, ça c'est sûr. Et surtout, est-ce qu'il sera là ? Parce que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'on a zéro nouvelle. Ils n'en parlent plus. Attends, quand on pose la question, ils te disent Marvel, c'est bientôt. Frozen, c'est prévu. Star Wars, passez à la question suivante, s'il vous plaît. Et Frozen, du coup, il y aura deux attractions, je crois, non, deux ou trois. Ouais, a priori, alors surtout une majeure. Après, pas interdit qu'on ait le droit du carrousel. Ils vont te faire un dark ride, tu sais, à la Blanche Neige. Bah en vrai, c'est censé être un truc en bateau. Bon, bah au moins on aura de la place pour Crush. Voilà. Donc, exactement. Déjà que t'as Cars Road Trip qui prend beaucoup de monde déjà. Ouais. Voilà. C'est très vrai. L'autre fois, j'ai eu une grosse attente. Hein. Tu sais combien j'ai eu? Oula. La plus grosse que j'ai eue, c'est 15 minutes. Ah, oh, putain! Ah. Ah, t'as vu? Eh. Oh. Voilà. Déjà, mais bon, je pense qu'il n'y avait qu'un bus. Il n'y avait qu'un bus, donc du coup. Grève à la RATP. La RATP Disney. Donc voilà. Bon, merci les gars, c'est gentil d'avoir participé à ce podcast. Ouais, du coup j'ai eu raison de faire que sur sur Avengers Campus que on va partir sur Miss Marvel, donc on va faire le prochain sur Miss Marvel. Bah Nagla, je t'écrirai pour savoir si tu veux venir. La semaine prochaine normalement. Du coup ça sera le temps à Laurent de se mettre à jour, hein Laurent. Voilà, oui, j'ai voilà. Vu le premier pour l'instant. Bah après il faudra voir l'épisode 3, attention. Ah bah. De toute façon on te le spoilera au pire, c'est pas grave. Ouais. Non, non. Mais juste, je regarderai avec plaisir. Tes impressions là quand tu l'as vu là, ouais. Juste sans rentrer dans. Très très peur du trailer. Très très content de ce que j'ai vu après le trailer. D'accord. On va dire ça. On va dire ça. Et toi, Laurent, juste pour le premier épisode. Bah moi, très accroché parce que j'ai mes petites idées là-dessus et ça rejoint un peu mes convictions sur comment dire le ce que Disneyland fait sur toutes ses productions. D'accord. Ouais. Et justement, pendant qu'on parle des séries, vous avez remarqué, mais bon, ça vous le savez, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une série qui sort Disney sur Disney+, ils sortent le personnage après dans les parcs Disney. Bon, pas nous, parce qu'on n'a pas... Je me demande s'ils vont faire la même chose chez nous. Parce que par exemple, pour Moon Knight, quand il est sorti le lendemain ou sur le lendemain, tu l'avais déjà. T'as bien noté l'un des problèmes majeurs que j'ai globalement. Alors, ouais. En vrai, c'est en Californie où ils sont très rapides sur ça. Il y a des raisons, on pourrait en parler pendant des heures, mais la Californie, en fait, comme c'est un parc hyper local, ouais. Tu fais venir les gens qui connaissent le parc par cœur de cette façon-là. Alors qu'à Orlando, comme c'est très international, tu as moins besoin de faire ça. À Disneyland Paris, tu n'as ni l'un ni l'autre. Tu n'as pas les nouveautés d'Orlando, tu n'as pas les personnages récents. Tu n'as rien. Tu es à l'ancienne, voilà, c'est comme ça. Et donc, bah, comme tu l'as constaté, on a eu une fois un truc très rapidement, si on est très honnête. C'est les personnages de La Reine des Neiges 2, quand on avait eu droit à toute une saison dédiée à ça. Le show était un peu éclaté au sol, globalement il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, mais c'était de fait des personnages récents, avec des costumes récents qui apparaissaient. Et à l'époque, dans les années 2000, on en avait un peu plus, mais aujourd'hui, bah, vous l'avez constaté, si vous c'est avez dommage. Vu passer WandaVision ou quoi... Bah, c'est dommage parce que franchement ça serait bien quoi. Genre, bah, t'arrives, hop, t'as un Moon Knight, ça ferait plaisir à Laurent qui aime bien Moon Knight. Bah oui. Ouais. Il a bien raison. Voilà. Bon, après, on sait pas, quand t'arrives, tu le vois, tu fais c'est Jack, c'est qui? C'est Mark, c'est Steven, tu sais pas trop quoi. Mais... c'est clair. C'était qui? T'es qui? Voilà. Mais ouais, c'est dommage. Après Miss Marvel, ils vont l'avoir. Enfin, oui, je crois que j'ai vu une photo, ils l'avaient dans la foulée. Donc, j'aimerais bien avoir ça si, dès qu'il y a un nouveau personnage qui sort, ce nouvel super-héros. Ouais, l'avoir. Ça serait bien, ouais. Surtout qu'ils ont les costumes, je suis sûr. Donc, qu'ils fassent pas style, vous n'avez pas les costumes. Vous les avez. Voilà. Bon, merci les gars, en tout cas. Du coup, peut-être à la semaine prochaine si vous venez. Pour enregistrer avec la grand plaisir. Prochaine. Pour parler par contre exclusivement de Miss Marvel, j'ai hâte d'avoir vos avis dessus, puisque moi je suis pas trop du même avis que vous. Donc, ah ah, c'est intéressant aussi d'avoir eu l'autre point. Je suis un peu globalement déçu, mais on verra. Okay. Justement, l'échange fera qu'on aura nos avis et c'est ça qui est plutôt pas mal. De l'échange, nous grandirons tous. Oh, bien sûr. Et d'ailleurs, juste Laurent, c'est que Nagla a gagné un quiz. Et d'ailleurs, on l'appelle le roi du quiz maintenant. Il y en a un autre qui est prévu pour. J'avais prévu là, mais du coup, je le ferai la semaine prochaine. Ok, très bien. Voilà. Bon, c'est pas Star Wars cette fois-ci. Ah merde, là, j'ai tout paumé alors. Non, ça va, il est facile, il est sur Disneyland Paris. C'est même pas. Ah, voilà. J'ai voilà. Peut-être paumé un peu seulement. Mais non. On verra. En tout cas, merci les gars. Du coup, à la semaine prochaine pour l'enregistrement du prochain podcast. Celui-là, il sortira samedi, normalement. Je vais tenter de faire le montage demain. Voilà. Enfin, je ne sais pas monter, mais voilà. Je ne sais pas faire. D'accord. Je tente. Si je mets sur Audacity l'intro, c'est bon. Ouais, t'inquiète. Je ne sais pas. Il y a Maxime qui m'a essayé de me montrer, mais il a vu que j'étais vite paumé. Donc, du coup, je dois écouter au plus simple. Tu fais ça, tu coupes comme ça, et puis voilà. Du coup, maintenant, je fais comme ça. Voilà. En tout cas, Nagla, petit instant promo pour toi. Oui, tout à fait. Rien que d'y penser, on vient de sortir un épisode sur la musique de Disneyland Paris, donc n'hésitez pas, hein, rienquedypenser.com où vous cherchez dans vos applis de podcast, vous trouvez. Sinon, Flan, faut l'animer. Le dernier épisode sorti, c'était sur Vice Versa, c'est la chanson des inconnus. Vice Versa, le film Pixar. Bref, attends, y a pas le temps qu'il y a des bonnes refs. T'as vu un peu? J'essaie. Hein. Le prochain qu'on va sortir là la semaine prochaine, ce sera sur un certain Ranger de l'espace qui sort bientôt au cinéma. Et on a aussi prévu pas la semaine prochaine d'ailleurs, la semaine d'après, et on a prévu la semaine prochaine un quiz en live sur twitch.tv/elabette. Vous pourrez peut-être gagner des trucs, ce sera sur plein de choses différentes, ça va être rigolo ça aussi. Oh, ça va être cool. Bon, si on gagne des trucs, Faut y aller, Laurent. Si on gagne des trucs, faut y aller. Voilà. Ah oui. Bon, voilà, on va dire. Tu ne tentes rien à rien. Voilà. Bah écoute, tu sais quoi, il faudrait que tu nous donnes le lien et on le diffusera sur nos réseaux respectifs, comme ça, ça fait grand la plaisir. Prochaine. Comme ça, on dira sur Instagram si vous voulez avec gagner plaisir, des trucs. Ouais. Si vous voulez gagner des trucs, allez tout cela. Bah, merci beaucoup. On fera ta promo. Il n'y a pas de souci. Et comment est-toi, Laurent, du coup? Alors, Laurent et ses vidéos, tu les as peut-être pas vu les vidéos, toi, de Laurent, Nagla? Si, j'ai déjà eu l'occasion il y a un petit moment. Du coup, Laurent, ton actualité, toi, c'est. J'ai vu que tu avais ajouté un spectacle, là. Oui, alors, c'était la Pride. La Pride, ouais, ça, la parade. Ouais, il y a eu la parade. Et j'ai sorti la première vidéo de la parade. Après, j'ai sorti. La soirée complète, c'est-à-dire de l'intervention de Natacha Rafalski jusqu'à la boîte de nuit à la fin, quoi. Il y a des gens qui étaient vénères. J'avais vu sur les réseaux là, oui, elle sort pour la parade, mais elle sort pas pour les 30 ans. Waouh, les gens ils sont rageux là. Et beaucoup ont dit que c'était mieux que la soirée des 30 ans. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Cool. En même temps, ce genre de soirée où tu dois avoir une très bonne ambiance, hein. Franchement, ouais. Enfin, de ce ouais. que j'ai vu, ça avait l'air d'être... Ouais. Même les premières, d'ailleurs, il y avait eu une très, très grosse publicité positive. Les gens avaient dit qu'il y avait vraiment une ambiance super et que c'était très cool à faire. Je regrette pas la même pas ambiance faire. Que la soirée Marvel, quoi, en tout cas. Non. Vraiment pas. Ah non. Ça, je te le garante. Hein, voilà. Hein, c'est, apparemment, c'est pas la même. C'est sûr. Non, apparemment. C'est pas pareil. Mais bon. Oui, puis il y avait Mika, il y avait comment il y avait Mika, il y avait Bilal Hassani. Il y avait Bilal Hassani et Becky Hill que j'ai découvert, qui est vraiment très très bien. C'est une chanteuse anglaise qui a déjà travaillé avec David Guetta, donc ça te donne un peu le son. Ah oui, ça donne un peu l'ambiance. Ouais. Pété. Franchement, j'ai tout filmé en vidéo, donc je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Eh ben, on ira voir. J'ai juste vu la parade. Voilà. J'ai pas vu. Je croyais qu'il était mort, Benny Hill. Oh la vache. Il arrête. Tu sais que je regardais Benny Hill le dimanche en fin d'après-midi. Ça m'est arrivé. C'est aussi. Pas la même chose. C'est bien. C'était avant sa cartoon. Il y avait des nichons, Benny Hill. C'est vrai. En plus, il était tout le temps avec un vieux, tu sais. Ah ouais, c'était terrible. Un vieux pervers, là. Ouais. Et après, ils ont fait Mr. Bean, mais là, c'est pas, c'est aussi en dessous quand même. Parce que... Ah, c'est pas pareil. Ah bah non. Ben Hill, c'est. Puis la musique de Ben Hill, quoi, c'est. C'est mythique, hein, franchement. C'est mythique, voilà. Bon, mais dit voilà. Merci en tout cas encore une fois, les gars. On se voit, nous, la semaine prochaine pour le podcast sur Miss Marvel. Et puis, celui-là, il sortira d'ici 2-3 jours. Voilà. En tout cas, merci beaucoup tout le monde pour votre écoute et à bientôt. Bye. Bye. Merci, salut.